à Paris. Je ne veux plus de toi et Bigimela. Je ne veux plus de toi et Nema Poula Mewaye. Roger Biquet, d'homme de confiance. Derrière les noirs. Badamo namoto namodi namule mamamie. Atibidi amawengaye arabia no pepe. Namongele namamwe wobuka o masa mamie. De oni ni wenga ni pula timba namba. Je ne veux plus de toi. Valérie Tempe, il devait sa production. Je ne veux plus de toi. Alès Pomer, le Gabonais. Jacques Puizo, Didier Rasta, number one. Je ne veux plus de toi. René Happy. Je ne veux plus de toi. Une jeune fille à qui j'ai donné mon amour, elle m'avait laissé pour aller vivre avec un autre. En croyant que de ce côté elle trouvera le bonheur. Mais aujourd'hui, venez me voir. Général Gébo Solo, madame Missinga. L'angoya pe mon ate mekane date mnonika mene. S.C.A. Et alamba mon inde moutoué da moto longue. Mon odi namba e wala boufei. Madoua ne pa de roue. Ma omba e aye. Aye aye aye. Et alamba mon inde moutoué da moto longue. Mon odi namba e wala boufei. Madoua ne me se desse. Omba e aye. Jean et Otier, Capena, Benemoni, Pamela, Noti, Banamba, et je ne veux plus de toi. J'ai trouvé mon compte ailleurs. Je suis déjà occupé. Laisse-moi tranquille. Oh, Onyola Naye, Obola Nembanjoe. Onyola Naye, Obola Nembanjoe. Mon asili, Kinaku, Samamboe, Salembaye, Tumanengu Mangoe. La qui s'est baye, Tumanengu Mangoe. Sawa la moi, oba koko. was a lucky to don't talk. It is so, I saw the salad by it to my name, my boy.